plus de la trentaine. Une soirée de plus passée sur ma feuille. À refaire le monde des merdes, j'aurais tout le temps de faire dans mon cercle. J'suis pas une star, de toute façon j'ai même pas des lobes. Y'a des queumés qui te plantent dans le dos et en face te demandent d'étoffe. Mais le monde étouffé, ça devient trop grave. Dès la première fois que je rétrograde, j'emmerde les pétons, les aristocrates. Moi je veux rapper, rapper, rapper encore. On va tout faire péter comme les mafieux en Corse. Ils sucent à trop entendre parler de monnaie. Au tout début on était rien, mais les petits jeunes vous ont choqué. Non, non, c'est pas de la prétention, je remets les choses à leur place. Comme Lucef, j'emmerde tous ceux qui disaient qu'on avait pas l'âge. Je sais que c'était pas facile, entre la tise et les cônes. On a dû serrer les coudes pour pas sombrer dans le vice. Je les entends se plaindre de leur vie pourtant simple. Génération XX, pas besoin de faire un dessin. Mais il est temps de poser gabin, car les lovés ça pue si j'arrive à faire que de la merde. Même avec de l'or dans les mains, je les vois tous faire du rap, ça devient un effet de mode. Moi j'ai pas attendu gradure pour porter mon sport. La vie comme dans mes rêves et j'ai du mal à me réveiller. Souvent de bonnes lumières et le facteur fait qu'on boit du noir. La tête dans les factures et ouais ça tous les jours du mois. Chaque année c'est la même, chaque année tu trimes. Rêve à sa caresser la mer, une paire de bateaux chez Bata. Tes chaussures comme seul navire, le stress et la routine c'est dans la merde. Ouais qu'on navigue, je voulais sortir la tête de l'eau pour toucher les étoiles. On m'a dit vise la tête de l'autre, j'ai juré sur la tête de l'homme. Nique Satan, t'as Satan, non j'ai plus peur de toutes ces lames. Mais je les connais moi tous ces lâches. Où est-ce que tu donnes, on te le rend pas. Avant de donner ton cœur, confie le bien, t'es rempa. Fallait que je balaye sur mon trottoir. Ramène ton mec balèze, une arme lui dira montre-toi. T'inquiète, je suis chaud bâtard, pareil que dans le nord c'est la banquise hein. Tu pensais qu'on pas dire, mais y'a que mes corps qui sont gelés. Nique ta vie, t'as zebi, ouais t'habites à Los Angeles. Je crois bien que la musique c'est mon art. Laisse-moi rapper mes peines, ouais laisse-moi vider mon âme. J'ai plus d'une flèche à mon arc. Pas le temps de réfléchir, c'est mon vécu dans ta fléchette. J'ai besoin de me confesser, appeler tes gens bien ça fait cher. Je crois bien que la musique c'est mon art. Laisse-moi rapper mes peines, ouais laisse-moi vider mon âme. J'ai plus d'une flèche à mon arc. Pas le temps de réfléchir, c'est mon vécu dans ta fléchette. J'ai besoin de me confesser, appeler des gens bien ça fait cher. Ok mon pote, on est hal donc, pense pas qu'on est dans l'ombre. Pété comme Alphonse, j'ai la rage et les dents longues. J'écris et je m'exerce, dans mon domaine j'excelle. Que les rages ouais se fermettent, on est prêt à péter l'accès. Et triste la mine sa mère, jaune et le rire en fait. Et fleurissent les chrysanthèmes sur la route de nos vies obscènes. J'écris mes phases avant que la mort me frappe, que je reste de marre. Moi je galère dans ma tête, je suis seul au monde dans un repère de rat. Naïf c'est dur mon pote, on a galéré trop sévère. Toute chose en moi pue pas la joie, je suis comme au bord des nerfs. Ah ouais ouais, moi je suis bête, mais je t'arrête, car je t'emmerde et je en tandem dans l'Éden, mon enfer. Le paradis c'est loin et qui pourra m'y emmener. Je sais pas si je crois mais j'ai la foi que mon rap va pas me sauver. Je m'efforce de faire ce que j'ai à faire. On restera droit, gagar à toi, pas prêt de lâcher l'affaire. Le rap un rêve à trois. Une soirée de plus à converger face à cette vie monotone. Devant les experts à Manhattan, rêvasser du loto, son chiffre étalé sur la table. Ouais mais ça c'est dans tes rêves. Les cauchemars ça fait peur et tu ferais mieux de les enterrer. Crée-toi ton paradis, refuse pas de vivre dans tes règles. Avec si peu tu feras beaucoup. Le bonheur est dissipé, ouais c'est direct, tu feras vos couilles. Alors et puis bats-toi, partir pour partir, sortir indemne de l'abattoir. De toute façon c'est pas possible, cette vie te laisse des marques. Je voulais quitter cette ville, lâcher du laisse quand on démarre. Mais rien à faire et rien y fait, ouais j'ai rêvé d'une belle demeure. Grand jardin, piscine et plongé dans une bête de marque. Que l'eau soit claire comme nos idées, aveuglé par le chlore. Les vies qu'on mène sont pas idées, mais rien à péter de Zidane. Moi j'ai ma coupe du monde et ouais mon père vaut plus que lui. Chaque jour on se pète les coudes, on n'oublie pas d'y mettre de l'huile. Je crois bien que la musique c'est mon art. Laisse-moi rapper mes peines et ouais laisse-moi vider mon âme. J'ai plus d'une flèche à mon arc. Pas le temps de réfléchir, c'est mon vécu dans ta fléchette. J'ai besoin de me confesser, appeler tes gens bien ça fait cher. J'crois bien que la musique c'est mon art. Laisse-moi rapper mes peines et ouais laisse-moi vider mon âme. J'ai plus d'une flèche à mon arc. Pas le temps de réfléchir, c'est mon vécu dans ta fléchette. J'ai besoin de me confesser, appeler tes gens bien ça fait cher. La musique c'est mon art. Laisse-moi rapper mes peines et ouais laisse-moi vider mon âme. J'ai plus d'une flèche à mon arc. Pas le temps de réfléchir, c'est mon vécu dans ta fléchette. J'ai besoin de me confesser, appeler tes gens bien ça fait cher. Non non non non, appeler des gens bien ça fait cher. Appeler des gens bien ça fait cher.